Aujourd'hui, on parle de Chateaubriand, comme hier et jusqu'à jeudi, Chateaubriand qui aurait eu 251 ans aujourd'hui. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chateaubriand s'est vu infliger la vie, comme il l'a écrit dans ses mémoires d'outre-tombe, au cours d'une nuit de tempête. Et sa vie sera en effet des plus orageuses, faite de voyages et d'aventures politiques comme sentimentales. C'est ce que nous a raconté lundi Bernard Degout au cours d'une émission à retrouver en podcast. Son œuvre, elle est protéiforme. Chateaubriand est à la fois mémorialiste et romancier. Il a raconté son siècle et sa génération désenchantée dans chacun de ses textes, comme nous l'a expliqué hier l'universitaire Fabienne Bersegol. Enfin, demain, nous terminerons notre semaine avec les descriptions de paysages et de voyages de Chateaubriand. Sébastien Baudouin sera notre guide vers l'Amérique et Jérusalem. Et aujourd'hui ? De la carrière politique et de la vision de l'histoire de Chateaubriand. Nous sommes en votre compagnie, Jean-Marie Roulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, auteur de Chateaubriand, l'exil et la gloire en 1994 chez Honoré Champion, tout comme vous avez publié l'épopée de Voltaire à Chateaubriand, poésie, histoire et politique aux éditions Voltaire Foundation en 2005, et Chateaubriand, penser et écrire l'histoire aux publications de l'université de Saint-Étienne avec Ivana Rosy. C'était en 2009. Alors avec vous, on voudrait parler de l'homme d'État et aussi de l'historien. Est-ce que ça n'est pas finalement un peu la même chose? Est-ce que ça ne revient pas toujours à parler de l'écrivain Jean-Marie Roulin? Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans tous les domaines de sa vie, finalement, Chateaubriand était un écrivain? Oui, alors c'est parler de la même chose, peut-être pas tout à fait, mais il y a bien une forte analogie. Tout d'abord entre l'historien et l'homme d'État, puisque un des aspects importants de l'écriture de l'histoire chez Chateaubriand, c'est qu'elle est constamment en prise avec l'actualité. Il revient à plusieurs reprises et il y a souvent des formules où il dit « j'écris et l'histoire frappait à ma porte ». Cette idée que, au fond, c'est une histoire constamment sur la brèche. Ça, c'est un point qui me paraît important. En cela, il est aussi journaliste, d'ailleurs. Ah, il est aussi journaliste. Alors ça, c'est un point important qu'il faut absolument développer, parce que Chateaubriand occupe une place comme journaliste qui est extrêmement importante dans l'histoire du journal. Il faut rappeler, bon, la Révolution avait particulièrement développé le journal, la presse, et Chateaubriand va sur cette continuité continuer le travail de la presse, mais en essayant de lui donner une autre direction, enfin une autre forme. Et il a été journaliste au Mercure de France sous l'Empire, et il a fondé un journal pendant la Restauration, le Conservateur, entre 1818 et 1820, et il a beaucoup contribué aussi au journal des débats. Il est, à certains égards, je crois qu'on peut le dire, un des pionniers, un des fondateurs de la presse telle qu'on la connaît aujourd'hui, notamment, je pense, à la presse dans un régime de représentatif, hein, pour parler dans ces termes, ou dans un régime parlementaire, à savoir la presse qui relaie les débats à la Chambre, ou des débats à la Chambre qui sont préparés par un article de presse. Donc, il joue un rôle absolument fondamental, je dirais, dans la construction du journaliste et du journaliste politique tel qu'on va le connaître dans l'ère moderne, tel qu'il sera ensuite développé par la presse chez Girardin. Mais il a un rôle éminent de journaliste et c'est une plume. En cela, c'est un écrivain aussi de presse. Donc, faire de la politique, on va le voir, c'est évidemment agir sur les choses politiques, mais c'est aussi écrire et prendre position. Faire de la politique, parfois, cela passe tout simplement par l'écriture de pamphlets, par exemple, ou par des prises de position fortes. Oui. Alors, il a faire de la politique passe chez lui par l'écriture du pamphlet, et il a aussi une écriture de pamphlétaire. Hein. Il a le sens de la pointe, le sens du trait qui porte, et le sens de l'actualité. Hein. Donc, il y a un certain nombre d'essais politiques qui ont joué un rôle, et je pense en particulier à un essai qu'il publie qui s'intitule « De Bonaparte et des Bourbons » au moment du retour de Napoléon pour les 100 jours. Et Chateaubriand rappelle dans les Mémoires d'Outre-Tombe que Louis XVIII avait dit que ce pamphlet lui avait valu une armée de 100 000 hommes. Donc l'idée que la politique... Une vraie influence finalement, voilà, de son écriture. Voilà, que la politique passe aussi, ou que l'action passe aussi par... la plume. Alors De Gaulle a dit, je crois, De Gaulle qui, on le sait, voulait devenir écrivain avant d'embrasser la carrière des armes et la carrière politique, a dit qu'il était rare qu'en un seul homme, on trouve un tel artiste et un tel sens du politique. Vous êtes d'accord avec ça ? Un tel artiste, je dirais oui. Je dirais oui, parce que il a une maîtrise de la prose, des différents registres, du registre pamphlétaire, de l'humour aussi. C'est quelqu'un qui a indiscutablement de l'humour aussi, et qui sait manier la satire, qui a aussi un sens de l'équilibre, de la phrase, de la prose, de l'image qui porte. Politique, homme habile politique, là, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas d'accord avec De Gaulle. C'est difficile de ne pas l'être, mais j'oserais, oui, pas sur ce point. Parce que ce que je dirais, c'est qu'effectivement, il a eu l'habileté, c'est quand même le premier grand écrivain à occuper des positions politiques dans notre histoire. Julien Gracq l'a souligné, au fond, pour Julien Gracq, Chateaubriand pose une borne avant Hugo, avant Lamartine, hein, avant tous les grands écrivains qui sont dans les affaires de l'État, et jusqu'à Malraux, nous dit Gracq. Hein, Donc là, dans la nouvelle ère qui s'ouvre au début du 19e siècle, Chateaubriand ouvre quelque chose. Est-ce qu'il a été un habile politique ? Difficile de le dire. Son grand succès a été ce qu'il a appelé sa guerre d'Espagne, c'est-à-dire de pousser la France à intervenir en Espagne pour rétablir Ferdinand VII, un roi bourbon. Mais il a été mis à la porte. Il a été toujours dans une forme d'opposition. Le Conservateur est un journal où il est dans l'opposition. Il est de nouveau dans l'opposition dans les années 1825 contre... Et au fond, on a l'impression que son action politique, elle est toujours à contre-courant, qu'il n'est jamais dans les bons cercles, dans la bonne équipe. Hein. Et donc c'est pour ça que je me permettrais peut-être de nuancer le propos de Charles de Gaulle. Qu'est-ce qu'il hérite de sa famille politiquement, des idées de sa famille avant la Révolution, selon vous ? Alors, de sa famille, dont il parle dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il parle principalement de son père, hein, en tant qu'homme politique et comme vision politique. Son père, au fond, c'est un noble de province qui n'avait plus de fortune, et qui a essayé de se rétablir dans son titre, de rétablir au fond son rang en Bretagne. Et son père était extrêmement attaché à la noblesse ancienne, à la féodalité, et au fond de sa famille, je dirais, où sa famille, elle est incarnée dans le château de Combourg, c'est-à-dire château médiéval, et qui n'est pas adapté à la vie du XVIIIe siècle. Il y a cette fameuse scène où on voit ce château médiéval, et donc il hérite quand même une position, je dirais, voilà, un attachement à une forme ancienne, un attachement à l'ancien régime. Et bon, voilà pour ce qui est de donc sa il famille. N'arrivera jamais à se défaire totalement. Il restera monarchiste avec des nuances toute sa vie. Jean-Marie Alors là, c'est plus complexe, justement, parce que au fond, de Chateaubriand, on pourrait dire qu'il est resté attaché au Bourbon et qu'il n'a pas beaucoup évolué. Il a une formule, cependant, et c'est toujours l'ambiguïté du personnage, républicain par nature, monarchiste par raison, bourboniste par honneur. Or, il est, au fond, il reste monarchiste, mais il a compris que les temps avaient changé. Il a compris qu'on entrait dans un nouveau monde. Et il va, au fond, je crois que c'est important ici, si je peux, de développer un petit peu ses idées, son idée politique. Au fond, cet attachement à la monarchie, elle s'accompagne de plusieurs points qui marque son entrée dans le nouveau monde. La première chose, c'est l'idée que la monarchie doit s'appuyer sur ce qu'on appelait à l'époque la charte, c'est-à-dire la charte de Louis XVIII, c'est-à-dire un gouvernement, un roi, mais une chambre des députés, une chambre des pairs, donc une monarchie représentative. Hein, on est là, proche des monarchiens, il y a même des moments où Chateaubriand a pu être proche des libéraux. Il est ensuite en faveur de la liberté de la presse à tout moment. Une monarchie représentative ne peut pas exister s'il n'y a pas une presse libre. Et il revient sur ce combat à plusieurs reprises. Y compris à la fin de sa vie, puisque ce sera son dernier grand texte pour la liberté de la presse. Exactement. Il y revient à la fin de sa vie, et il y reviendra à tout moment. Pour lui, la presse, c'est l'électricité sociale. Hein. C'est là une parole qui circule, il la compare à la foudre aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée, cette importance fondamentale du quatrième pouvoir, qui va lui valoir une opposition à Villèle, qui va lui valoir des oppositions à Charles X, et c'est une tribune populaire des anciens. Ensuite, un point qui me paraît aussi important dans son évolution, parce qu'il a pris en compte, je dirais, de ce qui s'est passé aux États-Unis, l'idée que la République représentative des États-Unis, c'est au fond l'événement le plus important de son époque. Et donc, il en prend acte, il en prend compte. Le point suivant, là où il se détache peut-être de la politique américaine, et c'est un point important aussi de ses principes de politique, c'est qu'il refuse la morale de l'intérêt au profit d'une morale des devoirs. Hein, l'idée, au fond, que la politique doit être la défense des intérêts particuliers contre les uns contre les autres et qui se justifie par le juridique ou le politique. Et enfin, alors ça, peut-être, il hérite aussi de l'Ancien Régime, c'est la question de la religion. La religion qui assure les continuités. Au fond, si vous voulez, Chateaubriand, c'est l'équilibre entre les continuités, monarchie, religion, et la prise en compte de la modernité. Mais c'est peut-être aussi le traumatisme de la terreur. Écoutez. Peu de jours après ce raccommodement, j'étais aux fenêtres de mon hôtel garni avec mes sœurs et quelques Bretons. Nous entendons crier « Fermez les portes, fermez les portes !» Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue. Du milieu de ce groupe s'élevaient deux étendards que nous ne voyions pas bien de loin. Lorsqu'ils s'avancèrent, nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigurées que les devanciers de Marat portaient chacune au bout d'une pique. C'étaient les têtes de M. Foulon et Berthier. Tout le monde se retira des fenêtres. J'y restais. Les assassins s'arrêtèrent devant moi, me tendirent les piques en chantant, en faisant des gambades, en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies. L'œil d'une de ces têtes, sorti de son orbite, descendait sur le visage obscur du mort. La pique traversait la bouche ouverte dont les dents mordaient le fer. « Brigand !» m'écriai-je, plein d'une indignation que je ne pus contenir. « Est-ce comme cela que vous entendez la liberté ? Si j'avais eu un fusil, j'aurais tiré sur ces misérables comme sur des loups. » Ils poussèrent des hurlements, frappèrent à coups redoublés la porte cochère pour l'enfoncer et joindre ma tête à celle de leur victime. Mes sœurs se trouvèrent mal. Les poltrons de l'hôtel m'accablèrent de reproches. Les massacreurs qu'on poursuivait n'eurent pas le temps d'envahir la maison et s'éloignèrent. Ces têtes et d'autres que je rencontrai bientôt après changèrent mes dispositions politiques. J'eus horreur des festins de cannibales. Et l'idée de quitter la France pour quelques pays lointains germa dans mon esprit. La Compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Quel a été, Jean-Marie Roulin, l'impact de la terreur, l'impact psychologique très fort? Il faut rappeler aussi que son frère a été assassiné durant cette période, sur sa pensée politique. Oui. Il faut tout d'abord préciser, hein, parce qu'on vient d'entendre un extrait qui se passe en 89, au début de la Révolution, qui pour lui est emblématique de ce qui va se passer par la suite. Mais il faut quand même rappeler que Chateaubriand distingue très nettement 89 de 93. Il y a là, il fait clairement une distinction et il dira que l'Assemblée constituante a été un phénomène extraordinaire par ses apports, par ce qu'elle a, par ce à quoi elle a contribué. Et il en parle assez peu d'ailleurs de la Révolution. C'est assez étrange dans Mémoire d'outre-tombe. Au fond, il y a deux endroits vraiment où il en parle. Elle est là partout, mais il y a deux endroits où il en parle. C'est Paris en 89 et puis c'est Paris en 92, avant les massacres de septembre. Donc, au fond, la première période, c'est une période où tout d'un coup, ce qu'il appelle, par une belle formule, le genre humain en vacances. Comme si tout d'un coup, la société française était libérée. Comme s'il y avait un mélange. Les gens commencent à parler ensemble. Il y a une effervescence et une effervescence politique, même si la violence commence déjà à pointer. Il oppose cette période à 92. 92, c'est alors c'est là des pages dans le livre 9 des Mémoires d'outre-tombe. Et là, en 92, c'est tout d'un coup le silence, le nivellement, la société complètement au fond unifiée, monolithe. L'idée d'une au fond d'une tyrannie jeune, plébéienne. Et là, il y a vraiment une opposition extrêmement claire hein, dans sa vision. Donc, au fond, d'un Chateaubriand qui est sensible aux idées que porte la Révolution, hein, et il les portera aussi à la Restauration, mais qui est farouchement opposé à la Terreur. Donc monarchie constitutionnelle, voilà ce qu'il soutient en fait, si on devait résumer comme ça à grands traits l'idée politique principale de Chateaubriand. Exactement, hein, il l'appellera monarchie représentative. Hein. Avec l'autre grande idée, ce que l'extrait montre, c'est ce que la Révolution apporte, ce que ces scènes apportent, c'est dans son écriture, qui est souvent assez soignée, qui est peu réaliste, il refuse souvent le réalisme, une présence extrêmement forte à certains moments, et des moments choisis, du détail réaliste, du détail macabre. Ici, ce sont les dents sur le fer, c'est l'œil sorti de son globe. Il y aura aussi une scène absolument extraordinaire, mais qui sert justement à dénoncer la violence. Il dira que ce qu'on peut obtenir, que ce qu'obtient la violence, la loi devrait l'obtenir, c'est cet épisode fameux de la tête de Marie-Antoinette. En 89, il se promène à Versailles, Marie-Antoinette lui fait un sourire et il dit, par ce sourire, je reconnus sa tête, son crâne, dans les dépouilles qu'il ira chercher à Saint-Denis bien plus tard. C'est aussi dans la vie de Rancé, l'épisode de la tête de Madame de Montbazon qu'on retrouve. Donc il y a cette place, je dirais, il y a vraiment quelque chose d'épidermique, un refus de la violence qui s'exprime dans son écriture par justement ces descriptions de la violence. Est-ce que vous décrivez là Jean-Marie Roulin, c'est aussi sa conception de comment on doit faire l'histoire, comment on doit raconter l'histoire, dont on parlera un peu plus tard aussi dans l'émission. Mais d'abord, il faut raconter sa carrière politique parce qu'elle est très longue, elle est mouvementée, elle est faite de va-et-vient, d'exclusion et d'adoubement. Elle commence sous le consulat jusqu'en 1804, au moment de la mort du duc d'Enghien. Et puis, il revient aux affaires, même s'il n'a jamais vraiment quitté l'orbite de l'État, vraiment sous Louis XVIII. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des grands moments, des grands jalons de la carrière politique de Chateaubriand, Jean-Marie Roulin ? Oui, alors effectivement, sous l'Empire, très vite, hein, il revient en 1800 en France, et très vite, il est par le génie du christianisme, il est remarqué, et il va obtenir un poste de secrétaire de légation. Napoléon va l'envoyer à Rome comme secrétaire de légation en 1803. Donc c'est un premier moment, et comme vous l'avez rappelé, l'arrestation et l'exécution du duc d'Enghien va, au fond, provoquer la rupture, non seulement entre Chateaubriand et Napoléon, mais entre, je dirais, la noblesse et Napoléon. Ensuite, c'est véritablement à partir de la Restauration que commencera ce qu'il appelle sa carrière. Hein. Va de la Restauration à la Restauration, voilà, dit-il. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression ? C'est-à-dire qu'il commence au début de la Restauration, au moment du retour des Bourbons, en 1814 puis en 1815, et qu'il démissionnera de son titre de père en 1830, à l'arrivée de Louis-Philippe, refusant la monarchie de Juillet, ce qui va aussi kilomètres, il y a un geste de courage politique là aussi. Pourquoi refuse-t-il la monarchie de Juillet ? Parce qu'elle n'est pas fidèle à la continuité dynastique, c'est un roi usurpé, c'est l'idée du roi bourgeois, il a des pages extrêmement drôles sur le moment de l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, il dira le baiser républicain de Lafayette fit un roi, hein, ce moment où Lafayette, au balcon de l'hôtel de ville, embrasse Louis-Philippe pour le faire adouber par la foule. C'est au fond une rupture par rapport à sa fidélité au Bourbon, qui ira d'ailleurs jusqu'à essayer de soutenir le successeur, le duc de Bordeaux, hein, pendant la monarchie de Juillet. Mais sa carrière politique, essentiellement, elle se fait sous la Restauration. Alors, avec deux types, je dirais, de postes, hein, des postes d'ambassadeur. Hein, il est envoyé à Berlin, à Londres, à Rome. Et puis des postes également de ministre. Il est ministre des Affaires étrangères de 1822 à 1824. Et puis je dirais une troisième fonction, il est aussi il est un représentant de la Chambre des Pairs. Donc il participe au débat et parallèlement, bien entendu, il écrit dans la presse pour soutenir ces débats, comme un Benjamin Constant, par exemple, écrit dans la Minerve hein, en même temps qu'il prononce ses discours à la Chambre. Benjamin Constant, dont vous êtes aussi spécialiste, Jean-Marie Roulin. Alors en 1830, on peut dire que peu ou prou, il renonce à la vie politique, mais c'est peut-être pas si simple. C'est-à-dire qu'il renonce aux fonctions politiques, mais il re-rentre dans la mêlée politique d'une autre façon, puisque en 1831, il publie les études historiques et aussi des pamphlets sur ce qu'il appelle la monarchie des barricades. Alors ces études historiques, il faut en dire un mot quand même. Oui, alors elles sont importantes. Elles sont importantes à plusieurs égards. Je dirais que la première chose, donc c'est publié dans le cadre des œuvres complètes. Hein, c'est un des volumes, c'est le 1831, c'est la fin de la publication de ses œuvres complètes. Il publie ses études historiques. La première chose, c'est que c'est quelque chose qui est une sorte de constat d'échec. Parce que depuis pas mal d'années, depuis 1811 environ, Chateaubriand essaie d'écrire une histoire de France. Et finalement, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pour diverses raisons. Peut-être justement parce que l'histoire, elle est diffuse dans toute son œuvre. Elle est diffuse dans la fiction, elle est diffuse dans les mémoires d'outre-tombe. Elle trouve un autre moyen de s'exprimer que dans l'histoire à proprement parler. Parce que l'histoire, c'est son sujet finalement. Ouais. Ça n'est que cela, au fond, Chateaubriand, raconter l'histoire et se raconter à travers la grande histoire. Oui, alors il faudrait le développer, mais je le développerai tout à l'heure sur la corde plus tard. L'autre aspect important de ces études historiques, donc les études historiques, c'est une série d'études sur la fin de l'Empire romain, qui évidemment répond aussi à la fin de la France, et qui sera accompagnée d'une analyse de l'histoire de France, qui, dira-t-il, vont du baptême de sang de Clovis, d'eau de Clovis, jusqu'au baptême de sang de Louis XVI, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là, pour lui, le moment, une formule, hein, là, une de ses formules, un de ses parallèles un peu rapide, et qui montre bien ça. Donc, il s'arrête en 93. Donc, un deuxième aspect important, c'est qu'il va développer sa vision de l'histoire, avec, au fond, l'idée que l'histoire se construit sur trois vérités. La vérité religieuse, qui est un des fondements pour lui de la société. La vérité philosophique, qui garantit l'indépendance d'esprit. Et la vérité politique, qui est la liberté. Donc, il définit ces trois vérités. Je dirais que ces principes restent un petit peu dans l'abstraction. Et puis surtout, il va se positionner par rapport aux écoles historiques de son époque. La Restauration, les années 1820, c'est un grand moment d'effervescence. C'est la naissance de... Bon, c'est les premières grandes histoires de la Révolution, Thiers et Mignet, c'est Guizot. Enfin, il y a un certain nombre d'historiens. Michelet commence sa carrière, traduit Vico, etc. Il va se positionner par rapport à cette histoire. Alors, par exemple, par rapport à Michelet, on peut pas parler de roman national pour Chateaubriand, ou peut-être le peut-on, d'ailleurs? Dans quel sens de roman vous diriez de... Disons que la conception de l'histoire de Chateaubriand est-elle semblable à Michelet, pour vous, ou pas? Pas entièrement. Il a un point où il le rejoint. C'est l'idée aussi que l'histoire se construit non seulement par des faits et une documentation, mais qu'elle se construit aussi sur le plan symbolique, sur l'idée aussi qu'il y a des grandes idées. Mais il y a aussi des points de coupure. Je prendrai un exemple. Chateaubriand décrit à un moment des mémoires d'Outre-Tombe le couvent des Cordeliers. Et dans les rapprochements qu'il fait, il rapproche les Cordeliers, il rappelle que les Cordeliers, c'était l'endroit où se réunissaient les ligueurs. Donc, au fond, les clubs et les ligueurs. Fanatisme pour fanatisme. Michelet reprendra, quand il parlera des Cordeliers, reprendra un rapprochement, mais il rapprochera, il rappellera que les Cordeliers étaient un endroit ouvert au peuple, et donc accueillant le peuple, et qui avait foi au peuple. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse là, dans le rapprochement entre ces deux épisodes, c'est qu'il y a chez l'un et l'autre cette manière d'utiliser un lieu pour évoquer toute une symbolique de l'histoire, mais aussi des points de fracture. On va continuer à évoquer cette question du rapport de Chateaubriand à l'histoire, mais je voudrais vous faire écouter d'abord une archive de l'écrivain Julien Gracq. Chateaubriand est plusieurs en réalité. Dans les mémoires d'Outre-Tombe, il y a d'une part le grave ministre des Affaires étrangères qui croit diriger les événements du monde, peut-être un peu plus qu'il ne l'a fait réellement. Il y a le noble vicomte des ambassades de Rome et de Londres. Et puis il y a aussi l'enfant perpétuel qui s'amuse de tout, dont la curiosité est inlassable. Celui, on l'a dit, qui passe à 60 ans une nuit dans sa chaise de poste à découvrir l'accordéon, ou bien qui se prend de belles querelles avec le douanier autrichien de Waldmünchen. De même, quand Chateaubriand s'occupe de l'histoire, il y a un tout autre Chateaubriand qui est, lui, le peintre de la comédie de l'histoire, et même, je dirais, de sa grimace, de ses coulisses sordides. Celui-là est moins connu, mais il est bien loin d'être inférieur à l'autre. Lorsque Chateaubriand regarde cet envers de l'histoire, il dispose d'une gamme de moyens tout à fait étonnante. D'abord, une sorte d'un coup d'œil, d'une acuité exceptionnelle. Les choses vues de Chateaubriand ont un trait, souvent d'une vigueur qui dépasse celle de Victor Hugo. Il y a un mordant dans l'ironie qui fait que le trait perce à chaque instant, crève à chaque instant le papier. Et puis il y a, ce qui est particulier à Chateaubriand, une sorte de recul curieux. On dirait souvent qu'il se dédouble. Il dit d'ailleurs lui-même, je crois à peu près, dans une de ses pages, qu'il lui semble assister aux événements de sa propre vie en même temps qu'il les vit. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Que retenez-vous de ce que disait Julien Gracq dans cette archive de 1968, Jean-Marie Roulin? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Oui, il y a beaucoup de choses. Je me permettrai de retenir un point et pour en donner aussi un exemple. C'est cette forme d'ironie mordante, cette manière aussi de saisir le trait, et cette forme aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'humour. Par exemple, il est extrêmement sévère à l'égard de Napoléon comme conquérant. Hein, il est pas sévère. Et il dira à propos de la... il citera le bulletin de la Grande Armée au moment de la retraite de Russie, et il le cite, et il dit le bulletin se termine par « La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure », et il ajoute « Famille, séchez vos larmes, Napoléon se porte bien ». Hein, et donc il y a un certain nombre de traits que Gracq a bien relevé ici, cette ironie mordante. Mais alors, ce n'est pas un style d'historien, ça c'est un style d'écrivain, on est bien d'accord. Là oui, c'est un style d'écrivain. Mais Chateaubriand est écrivain, et il est écrivain d'abord. Et donc, au fond, la manière dont il s'approprie l'histoire, c'est justement par un style. Il y a une volonté chez lui, peut-être ce point est important à souligner, Dans les écoles historiques, il est particulièrement sensible à l'école qu'il appelle descriptive et que représente Barante avec l'histoire des ducs de Bourgogne. L'idée qu'il faut savoir rendre les faits visibles, donner une évidence à l'histoire, la montrer. Et on la montre par le style, on la montre par des portraits, on la montre par des scènes, on la montre par des images. Et il est particulièrement habile, je dirais, dans les rapprochements, dans le travail de l'analogie, de la comparaison, de la métaphore qui tout à coup fait voir. Au fond, l'événement. L'histoire est un tableau, c'est son expression. Oui, elle est un tableau. Alors, elle peut l'être dans plusieurs sens de tableau. Le tableau, au fond, c'est un modèle de l'histoire au XVIIIe siècle où on fait un tableau d'un siècle, hein, le tableau du XVIIe siècle, qui est une sorte de tableau synoptique des mœurs d'une société, hein, une sorte de tableau statique où on essaie de rendre. Mais le sens que vous utilisez, il me semble plus applicable à Chateaubriand. Il utilise encore ce premier sens dans l'essai historique sur les révolutions, mais ensuite l'histoire deviendra un tableau où il s'agit effectivement de peindre des scènes. Hein, de peindre des scènes, je pense en particulier parmi les scènes, je parlais de la retraite de Russie, la scène de retraite de Russie où il peint le tableau, il peint à la fois ce qu'on voit, il peint le froid, le gel, comme si on y était, alors que lui-même n'a pas été en Russie, il le fait à partir de ses sources. Mais à partir de ses sources, il constitue un tableau en appelant à différents sens. La vue, l'ouïe, le silence des steppes russes, ou bien le froid des fusils qu'on n'arrive plus à tenir. Il dit encore qu'il faut réunir la gravité de l'histoire à l'intérêt des mémoires. Ça, c'est presque une déclaration sur ce que devrait être l'historien. C'est-à-dire, l'historien ne doit pas se contenter des faits, il doit aussi mettre de la gravité et mettre de l'humanité peut-être dans les faits qu'il raconte. C'est pas du tout la conception de l'histoire qu'on a aujourd'hui. Non, c'est pas tout à fait la conception, même si, vous savez, on a aussi aujourd'hui une histoire des émotions. Hein. L'historiographie est très s'est développée dans bien des directions, l'histoire des couleurs, l'histoire des émotions. Et cette place, c'est ça le point intéressant chez Chateaubriand, et le mot de mémoire est important de ce point de vue-là, c'est qu'il y a cette espèce d'équilibre entre, cette volonté d'équilibre entre, au fond, un tableau historique qui rendrait compte d'un ensemble, et en même temps, avec les mémoires, de réinstaller le point de vue de l'individu, de réinstaller, au fond, la destinée individuelle. Ce qu'a apporté sa période, ce qu'apporte la Révolution, ce qu'apporte aussi tout ce qu'il a vécu, c'est, au fond, cette idée que l'événement historique frappe tout individu. Et donc que chaque individu est impliqué dans l'histoire. Hein. Et donc ça, c'est pour ça que c'est important aussi de passer par le registre des mémoires, par le registre de la biographie. On pourrait parler de la vie de Rancé, hein, je l'ai vaguement évoqué à propos de la Duchesse de Montbazon. Qui est donc son dernier livre et qui est une sorte de biographie de Rancé, mais enfin, là encore, une biographie où il n'y a pas d'enquête. C'est une biographie à partir de quelques sources, et surtout, on y lit du Chateaubriand et les opinions de Chateaubriand sur Rancé. Oui, alors, il y a quelques sources, hein, il discute quelques sources, mais c'est vrai que c'est une écriture extrêmement libre, et c'est un tableau très enlevé du XVIIe siècle, avec justement là une pratique de l'analogie, du saut dans le temps, qui est véritablement celle de l'écrivain Chateaubriand. Cette capacité qu'il a à rapprocher des périodes, rapprocher des scènes, qui est à proprement époustouflante. Et à travers Rancé, il fait à la fois un tableau du XVIIe siècle, du grand siècle, en revenant sur ce siècle, et en même temps, il nous parle aussi de sa période. Hein. Il y a dans la vie de Rancé un portrait de George Sand, par exemple, et c'est un texte, au fond, assez fascinant de ce point de vue-là, où il passe de l'individu Rancé à un autre individu, Chateaubriand lui-même, et puis où il mêle les périodes avec, emportées par cette analogie. Autre grand texte de Chateaubriand, c'est Le génie du christianisme. Vous allez nous dire, Jean-Marie Roulin, dans quelle mesure c'est aussi de l'histoire, juste après cet extrait lu par Georges Clès. Il reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé. C'est celui qui précède le développement des passions lorsque nos facultés, jeunes, actives, entières mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente. car il arrive alors une chose fort triste. Le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude de livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments, rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir joui. Il reste encore des désirs et on n'a plus d'illusions. L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein, un monde vide. Et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. L'amertume que cet état de l'âme répand sur la vie est incroyable. Le cœur se retourne et se replie en cent manières pour employer des forces qu'il sent lui être inutiles. L'amertume que cet état de l'âme répand sur la vie est incroyable. Le cœur se retourne et se replie en cent manières pour employer des forces qu'il sent lui être inutiles. Les anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur des passions étouffées qui fermentent toutes ensemble. Une grande existence politique, les jeux du gymnase et du champ de Mars, les affaires du forum et de la place publique remplissaient leurs moments et ne laissaient aucune place aux ennuis du cœur. Alors, est-ce qu'on peut dire que Chateaubriand fait de l'histoire aussi, dans le génie du christianisme, une histoire qui serait, en l'occurrence, je parle de cet extrait en particulier, une histoire de l'évolution des passions, de l'évolution de l'inquiétude même, finalement quelque chose, en effet, vous le soulignez à l'instant, de très moderne, une histoire qu'on ferait davantage au XXIe siècle. Oui, là, c'est... Grand passage sur la mélancolie chrétienne, la mélancolie moderne, hein, ce qui est provoqué par le christianisme. Et effectivement, il y a une sorte d'histoire des passions. Au fond, pour lui, la mélancolie, elle remonte à la Bible, elle remonte déjà au livre de Job, il en trouve des exemples, mais elle est particulièrement forte dans la modernité. Donc il y a vraiment aussi cette évolution historique de la passion. J'ajouterais, alors... dans le thème d'aujourd'hui, que au fond ce passage introduit René, et que René c'est aussi c'est à la fois le fils de Werther ou le cousin de Werther, mm-hmm. Et le représentant de la mélancolie, mais c'est aussi le personnage qui n'arrive pas à s'intégrer dans la nouvelle société, dans la société moderne, qui part en Amérique. Et donc cette espèce de solitude, Chateaubriand est un émigré de l'intérieur, un émigré réel. Il y a ce sentiment de désappartenance au monde tel qu'il va. Et de ce point de vue-là aussi, René, même si l'histoire est très peu présente, il y a juste un moment où à Londres, on voit le lieu de l'exécution de Jacques Ier, elle est présente aussi par ce personnage. Dans le génie, l'histoire, elle est présente à plusieurs titres. J'en retiendrai deux points qui me paraissent importants. Premier, c'est qu'il y a une section sur l'histoire, où il va abandonner la méthode qu'il avait utilisée dans l'essai historique, qui était son premier essai, pour revenir à l'histoire chrétienne telle que pratiquée par Bossuet, et réintroduire, c'est un moment dans son parcours historiographique, le providentialisme. Et puis l'autre aspect qui me paraît important, enfin, et dans l'histoire j'ajoute, il dira pourquoi les Français n'ont que des mémoires. L'idée que l'histoire en France, ce sont des mémorialistes qui l'ont écrit, donc on revient à la question que vous posez. Il y a toujours un peu l'idée d'une tradition française historique qui s'opposerait aujourd'hui par exemple à la manière américaine de faire. Quand on parle de biographie à l'américaine, on sait bien à quoi ça renvoie ici. Peut-être que il y a un héritage justement de ce que dit là Chateaubriand dans l'appétence française pour les mémoires dans l'histoire, qui perdure encore aujourd'hui, selon vous, Jean-Marie Roulin. Oui, certainement dans les mémoires ou dans une manière d'écrire l'histoire. Il suffit de penser à la manière dont, au fond, quelqu'un comme Yvan Jablonka a commencé à construire son œuvre et sa réflexion historique, où il mêle à la fois une expérience personnelle et puis, au fond, il rapproche l'histoire de la littérature pour voir cette continuité. Donc il a fait école un petit peu, Chateaubriand, d'une manière même diffuse? Peut-être. Il a fait école, en tout cas, je pourrais dire, auprès de certains de ses contemporains, enfin plus jeunes, comme Augustin Thierry. Il y a une page célèbre où il dit que Augustin Thierry l'a à trouver sa vocation d'historien en lisant Les Martyrs, mais aussi, par exemple, chez quelqu'un comme Vidal Naquet, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dit avoir trouvé sa vocation d'historien engagé, un engagement de l'histoire, à la lecture de l'article de Chateaubriand sur le fameux article du 4 juillet 1807, où il attaque le despotisme de Napoléon et où il se pose contre le nouveau Néron en nouveau Tacite, un nouvel historien. Et cet article, Vidal Naquet le cite comme le point de départ, en quelque sorte, de sa vocation d'historien, mais dans la partie engagée, proprement. Cette grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier, et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo. Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées, j'aurais été moins ému si je m'étais trouvé dans la mêlée. Le péril, le feu, la cohue de la mort ne m'eussent pas laissé le temps de méditer. Mais seul, sous un arbre, dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux qui paissait autour de moi, le poids des réflexions m'accablait. Quel était ce combat? Était-il définitif? Napoléon était-il là en personne? Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort? Succès ou revers de l'une ou de l'autre armée, quelle serait la conséquence de l'événement pour les peuples? Liberté ou esclavage? Bien qu'un succès de Napoléon m'ouvrit un exil éternel, la patrie l'emportait en ce moment dans mon cœur. Mes vœux étaient pour l'oppresseur de la France, s'il devait, en sauvant notre honneur, nous arracher à la domination étrangère. Wellington triomphait-il? La légitimité rentrerait donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. Un nouvel extrait de l'histoire dans les mémoires d'Outre-Tombe. Là, c'est vraiment l'histoire directe puisqu'il s'agit de Waterloo. C'est tout le rapport à Napoléon qu'on entend ici, à la fois cette détestation ambiguë de Napoléon et puis en même temps, finalement, ce qui compte, c'est la France et c'est à ce moment-là Napoléon qui l'incarne. Qu'est-ce que vous retenez de l'extrait qu'on vient d'entendre, Jean-Marie Roulin? Alors, bon, la description de la bataille de Waterloo, c'est un des grands moments dans la littérature du 19e siècle qu'on va retrouver chez beaucoup d'auteurs et qu'on trouve ici chez Chateaubriand. Le point, ou un des points qui me paraît extrêmement important et qu'on trouve dans le parcours de Chateaubriand, mais dans le parcours aussi d'un certain nombre de ses contemporains, c'est cette situation particulière de vouloir la victoire de son ennemi politique parce que on veut la victoire de sa patrie. Il est patriote avant tout. Voilà, c'est cette idée du patriote avant tout. Entre le parti et la patrie, il y a l'idée de, au fond, l'attachement à la France et à sa continuité, même si il a été un opposant à Napoléon depuis 1804. Et ça, c'est un point extrêmement important qu'on va retrouver à d'autres moments, notamment à un moment où il s'interroge: est-ce que je peux émigrer? Est-ce que je peux rejoindre une armée qui est... l'armée des princes était à ce moment-là en Allemagne, à Koblenz essentiellement. Est-ce que je peux quitter la France, m'associer à des armées étrangères pour défendre ma cause, hein? C'est une grande question. Et là, il pose une question. Il a un dialogue avec Malesherbes. Il pose une question qui est une question aussi contemporaine. Quel droit avons-nous d'intervenir de l'extérieur pour pouvoir aider tel ou tel pays? Malesherbes lui donne l'exemple de la France intervenant aux États-Unis au moment de la guerre d'indépendance, pour justifier l'immigration. Et donc là, se pose, à travers ce petit exemple, ce grand exemple de Waterloo, se pose cette question, et se pose toute la relation complexe avec Napoléon. Au fond, Napoléon, ce qu'il lui reproche, c'est le despotisme, hein, politique, qu'il rapproche du despotisme oriental. Ça, c'est l'un des premiers points. La censure, hein, renforcée à partir de 1807. Et le deuxième point, c'est la guerre de conquête. Hein, la guerre de conquête est véritablement un des grands péchés de Napoléon qu'il ne peut pas admettre. En revanche, il a une grande fascination pour l'homme tel qu'il est, pour l'homme du consulat, peut-être au début, comme beaucoup, comme Germaine de Staël, comme Benjamin Constant, qui sont entrés dans l'opposition un petit peu plus vite. Et puis, il a une fascination pour le mythe. C'est-à-dire que pour lui, Napoléon est grand à Sainte-Hélène, au fond, cette île complètement perdue, beaucoup plus grand dans la légende qu'il ne l'a été dans la réalité politique. Et le mythe, c'est précisément là où l'histoire rejoint la littérature, et c'est pour ça qu'il se sent précisément chez lui, sans doute, dans ces figures mythologiques, pourrait-on presque dire, Jean-Marie Roulin. Sur un point de géopolitique, est-ce que on peut dire que Chateaubriand a eu des intuitions de ce que le monde était en train de devenir? Est-ce que il a aussi, par sa connaissance de l'histoire, une espèce de préscience de ce qui va arriver? Oui. Alors, de préscience, c'est difficile, mais il a le sentiment, alors c'est peut-être un des premiers écrivains à avoir le sentiment, au fond, d'un monde global. Paul Morand parlera du premier écrivain français doué du sens planétaire. C'est à la fois son sens de l'histoire, mais c'est aussi parce que il a voyagé, et il a voyagé plus largement peut-être que ses contemporains. En Amérique et en Orient, en Italie comme en Angleterre. Il a une connaissance, au fond, assez large. Et donc, le sentiment, au fond, que l'histoire, aujourd'hui, à son époque, est devenue, au fond, globale. Il y a, à partir de 1820, les questions coloniales qui commencent à se poser. La présence, l'Angleterre, la conquête d'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal. Mais Chateaubriand milite pour que la France occupe une place au sein de la Méditerranée. Il est assez favorable. Il y a aussi l'opposition qu'il a à l'Empire ottoman, qu'il considère comme un régime despotique, et donc il soutiendra l'indépendance de la Grèce dans une petite note de 1825 et dans un article dans ces années-là. Donc il a vaut d'ailleurs une certaine gloire, cette position-là de défense de la Grèce. Évidemment, il y a beaucoup Byron, le tableau de Delacroix, mais il a une volonté effectivement de défendre la Grèce face à l'Empire ottoman. Mais ça, je dirais que ça prend place aussi dans une vision, ou une tentative d'essayer de penser le monde tel qu'il change. Vraiment, le grand événement, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour lui la République représentative aux États-Unis qui influe sur l'ensemble du monde. Il va peut-être même penser un système d'Europe intégrée, écoutez. La révolution se résume aujourd'hui en sens contraire. La loi détrône l'homme. On passe de la royauté à la république. L'ère des peuples est revenue. Reste à savoir comment elle sera remplie. Il faudra d'abord que l'Europe se nivelle dans un même système. On ne peut supposer un gouvernement représentatif en France et des monarchies absolues autour de ce gouvernement. Pour arriver là, il est probable qu'on subira des guerres étrangères et qu'on traversera à l'intérieur une double anarchie morale et physique. Quand il ne s'agirait que de la seule propriété, n'y touchera-t-on point? Restera-t-elle distribuée comme elle l'est? Une société où des individus ont 2 millions de revenus tandis que d'autres individus meurent de faim, une telle société peut-elle demeurer stationnaire sur de tels fondements au milieu du progrès des idées? Mais si l'on touche à la propriété, il en résultera des bouleversements immenses qui ne s'accompliront pas sans effusion de sang. Convergence politique de chacun des États européens, une espèce de nivellement des États européens, il y a quelque chose quand même de visionnaire. Et puis aussi la question sociale qui semble annoncer la révolution russe, bon, si on veut bien aller aussi loin, Jean-Marie Roulin. Oui, mais dans les pages dont sont extraites, dont est extrait ce que nous venons d'entendre, il parle déjà des fourriéristes, des communistes, il a déjà ce monde qui est en train train de se mettre en place. Il meurt en 48, donc il voit déjà les premiers ces mouvements émerger. Et il y a là effectivement quelque chose d'assez visionnaire. Une chose, un paradoxe qui me frappe quand même aussi, c'est qu'on a souvent reproché à Chateaubriand son attachement à la monarchie, alors nivellement de l'Europe, mais on rappellera aussi que dans notre Europe d'aujourd'hui, et même et surtout pour des pays qui passent pour très avancés, il y a beaucoup encore de monarchie, je pense aux pays, bon, à la Suède, Pays-Bas, à l'Angleterre, évidemment. Et au fond, pour lui, qui était un élément de continuité. Mais l'idée que ce nivellement se fait, qu'il y ait, au fond, correspond à une réalité, à un développement de l'Europe, et la tension sociale entre les grandes fortunes et les démunis, elle est aussi extrêmement réelle. Il l'a véritablement senti. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire simplement de Chateaubriand un homme qui regarde vers le passé. Il terminera aussi les mémoires en disant qu'il nage avec espérance vers le futur. Donc il a des inquiétudes, il a des questions, mais il regarde aussi le monde et tel qu'il va et les nouveaux éléments qui se mettent en place. C'est plutôt des questions chez lui. Ce sont pas des prophéties affirmatives, mais ce sont des séries de questions où on peut dire qu'il voit assez juste sur un certain nombre de points. On a l'impression, Jean-Marie Roulin, que Chateaubriand aujourd'hui c'est un auteur très très français. Victor Hugo dépasse les frontières. Flaubert aussi évidemment. Est-ce que Chateaubriand n'est pas resté un petit peu en deçà, et puis aussi des Balzac. Est-ce qu'il n'est pas resté un petit peu trop à l'intérieur de nos frontières? Est-ce qu'il est lu, étudié à l'étranger? Est-ce qu'il est même vraiment traduit? Oui, alors ça c'est une question qui revient souvent pour moi, parce que effectivement on peut aussi parler de Stendhal pour les contemporains. Il a un certain nombre de contemporains qui sont lus et traduits beaucoup plus que lui. Et la question, pourquoi au fond Chateaubriand s'exporte mal? Il s'exporte, enfin il est traduit, il y a des traductions, il y a une importante traduction par exemple des mémoires d'Outre-Tombe en italien, il y en a dans d'autres langues, il y a des textes qui sont régulièrement traduits, en chinois, en coréen, enfin on en trouve, mais il n'a pas du tout la réputation qu'ont d'autres grands écrivains de son époque à l'étranger. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de style? Est-ce que c'est le format de ses œuvres, des romans assez courts, et puis mémoires d'Outre-Tombe qui sont quand même... qui représente quand même une masse assez impressionnante et peut-être difficile à lire et à traduire. Ça reste une question. Mais effectivement, il a ce paradoxe que c'est un écrivain qui à la fois a une vision globale du monde, peut-être beaucoup plus que ses contemporains, et qui en même temps, en tant que, au fond, par son lectorat, est plutôt lu en France. Peut-être est-il aussi un petit peu chauvin quand il parle, par exemple, des historiens allemands auxquels il concède, certes, des qualités, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins bien, dit-il, que nos historiens hexagonaux. Il y a ça aussi, quand même, un peu, dont on a du mal à se départir chez Chateaubriand. Oui, oui et non, parce que il a à la fois cet attachement à la France, à la tradition française, bien sûr, mais là aussi, c'est un lecteur de Shakespeare. Il utilise Shakespeare, il cite Shakespeare, il cite Dante dans le texte, il cite Le Tasse. C'est un grand lecteur aussi d'écrivains étrangers, contemporains ou non, et qui nourrissent aussi son œuvre. Donc, il y a à la fois cette partie que vous dites, oui, effectivement, une dimension chauvine, mais il y a aussi une grande ouverture sur la littérature, je dirais, internationale et sur la littérature anglaise en particulier. Il a publié un essai sur la littérature anglaise, il a beaucoup lu Milton, il intègre Milton, donc il y a vraiment une ouverture sur les littératures étrangères. Merci beaucoup Jean-Marie Roulin. Je rappelle qu'on peut utilement se reporter à votre thèse publiée chez Honoré Champion en 1994 sous le titre Chateaubriand, l'exil et la gloire. Il y a aussi un ouvrage collectif que vous avez dirigé et que je conseille. Vous l'avez dirigé avec Ivana Rosi sous le titre Chateaubriand, penser et écrire l'histoire. C'est aux presses universitaires de Saint-Étienne. Merci beaucoup. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. « chronique que nous propose aujourd'hui Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Marie. Le Nouveau Magazine Littéraire qui se penche bien entendu en cette rentrée de septembre, bien sûr la rentrée littéraire. Et voilà, aujourd'hui je vais vous parler de notre numéro de septembre en effet et de son principal objet qui est la rentrée littéraire. En somme, je vais vous parler de tous les ces livres dont vous n'avez pas entendu parler à cause du bruit provoqué par les multiples polémiques autour de la figure de Yann Moix. Et c'est assez dommage puisque derrière cette polémique, on trouve une excellente rentrée littéraire et nous lui dédions d'ailleurs un peu plus de 40 pages. C'est une excellente rentrée d'abord parce que les auteurs confirmés dont nous attendions les romans avec impatience, ces auteurs ne nous ont pas déçus. Aurélien Bélanger livre un roman foisonnant sur l'Europe avec le continent de la douceur. Jean-Paul Dubois nous amuse beaucoup à sa grinçante façon dans « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Léonore Amiano a réussi une fiction afro-futuriste assez extraordinaire avec « Rouge impératrice ». Elle imagine une Afrique unifiée servant de refuge aux déclassés européens. Olivier Adam a réussi un très bon roman mélancolique et plein d'intrigues qui s'appelle Une partie de badminton. Bref, c'est un peu comme si nos écrivains installés avaient décidé de démentir ce cliché décrivant une littérature française moderne recroquevillée sur elle-même, en panne d'imagination. Au contraire, en cette rentrée, la littérature française témoigne d'une belle vigueur et cela se voit aussi dans les textes de ces jeunes plumes, puisque nous avons notamment beaucoup aimé le livre de Blondine Rinkel, Le nom secret des choses, qui est un vrai livre de styliste. Alors ça, c'est pour les écrivains confirmés, les écrivains qu'on attendait, mais à chaque rentrée, évidemment, Alexis, il y a des surprises, et il y a, je crois, une surprise qui vous a plu davantage encore que les autres. Oh, il y en a eu plusieurs, bien sûr, c'est notre petit plaisir de rentrer, de découvrir des textes. Pour ma part, j'étais très touché par le livre de l'américaine Sigrid Nunez, un livre qui s'appelle L'Ami et qui vient de paraître chez Stock. Sigrid Nunez, c'est une romancière de 68 ans, c'est une auteure respectée mais qui vendait peu jusqu'ici. Elle était complètement inconnue chez nous. Et elle signe avec L'Ami un de ses livres que l'on a envie de rouvrir sitôt refermé. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait, en effet. Pas encore eu le temps. C'est même un livre, je vais vous dire, dont on se lit des passages à la rédaction tellement c'est réussi. Tellement c'est bien écrit. Ça, c'est une belle publicité pour ce voilà, livre. Voilà, très vite, raconte l'histoire d'un professeur d'université célibataire, une professeure d'université dont le meilleur ami disparaît, se suicide. Il lui lègue un chien monumental. C'est un grand Danois qui a à peu près les mensurations d'un poney. Et ce chien va devenir à la fois le symbole de l'ami disparu, d'une époque disparue et aussi d'une littérature attaquée de toutes parts. Voilà, Pourquoi d'une littérature attaquée de toutes parts? Parce qu'en fait, cet ami était un professeur d'écriture créative à l'ancienne qui pensait qu'il fallait avoir du talent pour se lancer dans l'écriture. Et Sigrid Nunez raconte, elle, qu'elle est confrontée à des élèves qui pensent que le talent est un privilège culturel de bourgeois blanc et qu'au fond, l'essentiel pour écrire, ce n'est pas d'avoir du talent, c'est d'avoir un sujet, une cause à défendre. Elle est attaquée parce que vous vous retrouvez devant des gens qui somment de définir une ligne claire entre fiction et non-fiction. Elle est attaquée parce que les jeunes gens qui veulent écrire aujourd'hui, nous dit Sigrid Nunez, ne veulent pas lire les livres des autres, ils veulent que les autres lisent leurs livres. Donc c'est vraiment un livre pour vous, critique littéraire. Au magazine littéraire. C'est pas seulement un livre pour moi, parce que c'est un livre profondément humain qui parle du deuil d'abord, qui parle aussi des animaux et qui parle de la façon dont ils nous sentent, bien mieux que nous les comprenons en fait. C'est un livre qui a connu un vrai écho aux États-Unis. J'espère qu'il aura le même en France. Voilà. On n'a pas le temps d'en lire malheureusement. C'est dommage. Petit extrait ou alors juste une phrase, allez Alexis. C'est très difficile de vous dire une phrase. J'essaie quand même. Je parle de ce sentiment que j'ai de vivre avec un pied dans la folie, les distorsions de la réalité, le brouillard où je tombe à certains moments, aussi troublant qu'une amnésie. Qu'est-ce que je fabrique dans cette salle de classe? Pourquoi mon visage a-t-il l'air si bizarre dans ce miroir? C'est moi qui écris ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dire? C'était la Compagnie des œuvres. Merci beaucoup Alexis Broca. La Compagnie des œuvres, c'est une émission, vous le savez, de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Hélène Rivière, à Fleury, à la réalisation aujourd'hui, et Alexandre Dang à la technique. Demain, dernier moment de notre série consacrée à Chateaubriand. Nous nous pencherons sur ses voyages et singulièrement sur son voyage en Amérique. Nous serons accompagnés pour cela de Sébastien Baudouin. Dans quelques secondes, sur France Culture, vous retrouvez les sciences. Thank you.